Vous écoutez La Bonne Franquette Radio. Yeah, on est là, ouais, on est posé avec Quentin et Vince. On écoute du cobaladé. Après, on va faire à la bonne franquette, ouais. Yes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce troisième épisode de la bonne franquette qui commence, on peut le dire, sur les châteaux de roue, je pense, vraiment. Sur les châteaux de roue. Sur les chameaux de poux. Sur les charbons. Ah yes, il a pas de la guerre. Alors, on est toujours avec la fine équipe. Je présente toujours, bien évidemment, Rob. Bonsoir. Voilà. Salut. Salut. Vincent. Salut, moi c'est Vincent. Ouais. Quentin, salut. Enchanté. Enchanté. Enchanté, Vincent, voilà, Quentin. Ouais. Ça, on se serre tous la main. Oui, ça fait 6 mois que j'ai arrêté de boire. Et non. Alors, du coup, Roberto, ton métier, ton actu, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, moi je suis rappeur chinois. Je me suis lancé dans le rap chinois depuis 3 ans et franchement, c'est pas si démo. Mal que ça. 3, 4. C'était extrêmement raciste, merci. On va s'arrêter là. En même temps, j'ai détesté. Ouais, en même moi aussi. Temps, pour sa défense, quand on connaît pas le chinois, on fait avec ce qu'on a. Bah, je suis un peu bridé aussi. Pourtant, là, tu t'es débridé pour faire ce freestyle. Oh, ça clash les Asiatiques. Non, que mais attends, moi j'ai plein d'amis asiatiques. Hein. Oui, moi aussi, je veux dire. Ok, ils travaillent tous dans des restaurants et je les ai jamais vus. Mais... moi j'aime beaucoup le chinois à volonté. Exactement. Ouais. Très belle. Je suis pas raciste. Exactement, bah, t'as bien raison. Vincent d'ailleurs, ton petit métier à toi, ça serait Moi je suis arboriculteur d'arbres. Et ben c'est la même chose. Bah non, si. Arboriculteur, c'est pas les abeilles. J'en sais rien. Si, c'est les abeilles. C'est vrai. On dit pas non, apiculteur. Oh, apiculteur. C'est quoi arboriculteur alors, vérifie. Je vais regarder sur l'internet mondial. Enfin, je sais ce que c'est mon métier, d'accord. Et bah, la preuve que non. Alors, personne qui pratique l'arboriculture. Bah waouh. Super. Et qu'est-ce que c'est l'arboriculture? Spécialiste des arbres. Ah merde! L'arboriculteur sélectionne des variétés selon leurs fonctions, les terrains, le climat et les autres essences d'arbres déjà présentes ou à venir. 1498 euros brut. Ouais. Le salaire. Peu, hein, c'est peu. C'est peu, c'est pas ouf. C'est très peu. En tout cas, c'est un beau métier. Ce sont des gens qui participent. Je vous encourage à faire. Ou pas d'ailleurs, puisque c'est... Puisque vous faites ce que vous voulez. En fait. Exactement. Voilà. Donc je suis au final arboriculteur de cerisier uniquement durant la période de mai à mai. Donc, un mois ? Non, zéro. Je commence le 1er mai, j'arrête le 1er mai. Donc, un jour. 24 heures quand même. Non, il commence à 1h02, il finit à 1h01. Voilà. Tu remontes dans le temps ? Exactement. Bah, c'est impressionnant. Tu es donc magicien et voyageur du temps. Bah oui, mais... Sacré palmarès. Bah le truc, c'est que j'aurais pu en faire autre chose de ce pouvoir de remonter le temps, mais je me suis dit que je pouvais planter juste en planter des arbres pendant une minute, c'était bien. Voilà, ouais. Superbe. Bah écoutez, de mon côté, je suis conseiller au NICEP. Je suis aussi directeur de lycée, directeur de collège et enseignant à l'école primaire. Voilà. Et à l'école de la vie, tu y as été ou pas ? Bah mec, je représente la vie, je représente l'amour, je représente le bonheur, je m'appelle Quentin Crepon, enchanté. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-là. Bah franchement, là, on fait pas grand-chose, à part... on est là. On est là. Ouais, ouais, voilà, c'est vraiment là. Une phrase de chômeur. On est là, on est là, gars. Que... Wesh le gang, wesh c'est quoi les bails? Bah, on l'a déjà dit un petit peu, d'ailleurs, finalement. Oui. On disait ce qu'on faisait dans la vie, donc au final, les bails... Les bails ont été présentés, effectivement. On peut peut-être... Ont été. C'est comme ça qu'on prononce, ont été, genre tété. Ils ont été. Ah, ben non, pas les seins, Roberto. Ils miment. Mais non, des je parlais pas de ils seins. Ils miment non, une c'est pas poitrine vrai, exorbitante, c'est hallucinant. Les tchouches, mon pote. Les tchouches, mon pote. Oh, les tétés. Oh, les tétés. Les tétés. Donc, vraiment, ce podcast, ça va être nous qui vont dire tété pendant des heures. Moi, je faisais référence au trending topic sur Twitter, ok. Moi, je faisais référence. Moi, je faisais référence au tété. À Mister V, on est d'accord. Voilà. Aux tchouches. Oui. Les bonnes tchouches, mon pote. Moi, ensuite, la question que j'ai envie de poser, forcément, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie ? je fais partie des anciens routards. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie, Roberto? Toi qui viens du Liban, qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Mm-hmm. Si papa aime maman. Si papa. Papa? Ouais, papan, papan, c'est le troisième sexe. Papan. Exactement. C'est en fait papan, c'est un mélange entre piment et arbre culturel. Ah, ok, yes, arbre culturel. Et donc, si papa aime maman. Arbre culturel. Qu'est-ce que ça sert à correspondre à quoi? Un arbre culturel. En tout cas, moi, je suis arboriculteur. Oui, on a compris. Arrêtez de vous mettre en avant. Monsieur Vaillant, là, ça suffit. Hein. On n'est pas non plus. Hein. C'est pas la réunion des arboriculteurs anonymes ici, d'accord? Ça Super. Mais moi, qu'est-ce que je peux apprendre de la vie? J'aimerais bien. Oui, bah qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Bah, j'aimerais vous dire, d'une part, que la vie, ça commence et ça s'arrête à un moment. Et voilà, c'est tout. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. Nous avoir fait perdre notre temps, tu devrais nous payer. Du coup, j'ai envie de te dire. Comment tu veux régler? Bah, écoute. Par chèque, ben, ou même par chèque, comme ça je te fais un petit chèque. Yes. Et voilà, c'est réglé. Super, j'ai vraiment mal. Moi aussi, j'ai mis vraiment la partie la plus dure de mes os pour taper ton... Pour me broyer la main directement. Exactement. Car c'est ce que fait tout meilleur ami. Exactement. Ben, j'adore ça. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien, mais qui aime bien l'argent aussi, tu vois. Oui. On se fait plaisir, hein, Rob. Moi, j'adore. Tout à fait. Il faut se faire plaisir. D'ailleurs, pour pouvoir régler... Il faut de l'argent. Du coup, ma question. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet oseille? Écoute, moi, si je pouvais parler à Booba, ouais. En vrai, je lui dirais que le plus intéressant quand on a beaucoup d'argent, c'est d'investir. Investir, ne pas laisser l'argent dormir comme exactement. Ça sur son compte en banque. Il faut investir. Et quand on dit investir, on parle de. D'appartement, par exemple. D'appartement 8 pièces, je dirais. On parle de 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une liste de questions, j'ai essayé de travailler mon jeu, mais comme j'essaye de m'adapter en même temps, j'essaye de voir quelle question peut correspondre, donc je n'en ai pas. On va partir sur une autre question. J'aimerais quand même, moi, savoir ce que tu proposerais à Booba de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette oseille? Ouais. Écoute, mon très cher Eliafa, puisque tel. Et ton prénom et ton nom de famille. Voilà, tu es susnommé de cette façon. Par tes parents biologiques. Exactement, qui, je le rappelle, sont très gentils. Ce sont de bonnes personnes. Des et tu sens ta mère et ton père. Hein, exactement. C'est pas ton papon. Non, pour une fois. Très peu, très peu. Mon très cher Eliafa, toi qui es un enfant du Sénégal. Eddy Malou. Oula, mec. tu vas t'attirer des problèmes. Non, plus sérieusement, franchement, si j'avais la fortune de Booba. Une lambeau. Et deux lambeaux. Quatre lambeaux, directement. Toujours plus de. La même toujours, couleur. Toujours plus la de, même finition. Bien sûr, la même chose, tout le temps. Non, si j'avais sa fortune, moi, il y a un truc qui me tient énormément à cœur, c'est faire une réserve naturelle pour animaux. Là, tu touilles un thé où il n'y a plus rien. On est bien d'accord. On est d'accord. Il faut bien que je fasse quelque chose de mes mains. Ah, bah, dis tout de suite que tu t'ennuies pendant ce podcast. Non, là, on passe à un bon moment. Mais non, ça. Par exemple, quand j'étais en classe et que j'avais un stylo, je le faisais tourner. C'est reparti sur une anecdote. Non, est-ce que je m'ennuie? Écoutez-moi bien, monsieur Weigel, ça suffit maintenant. Bah, est-ce enfin laissez-moi parler, taisez-vous. Taisez-vous. Alors, Finkielkraut, on vous écoute. Bah, je disais juste que je m'ennuyais en classe, donc je faisais tourner mon stylo, donc je faisais quelque chose de mes mains. Parce que t'étais super intelligent. Parce que je m'ennuyais. Bravo, voilà. Non, parce que je m'ennuyais, je me faisais chier comme tout le monde. Pourquoi tu t'ennuyais? Non, mais c'est bon, c'est pas le sujet. Voilà, donc moi, si j'avais la fortune à Booba et que j'étais un enfant du Sénégal, et ben voilà, peut-être que j'irais construire des écoles ou des choses comme ça qui peuvent aider le pays à se développer, je pense. Dans des pas mal d'idées. Ouais, je pense, voilà. C'est en sûr. Tout cas, personnellement, un truc qui me tient vraiment à cœur, comme dit, c'est cette réserve naturelle pour animaux. Après, c'est ça aussi, je trouve, le but. On va dire, quand t'es riche, au bout d'un moment, t'as beaucoup d'argent, tu vas pas tout genre les garder pour toi. Au bout d'un moment, faut savoir donner, savoir aider. Jeff Bezos ne serait peut-être patron d'Amazon, hein, qui a des milliards de milliards. c'est écrit sur son compte en banque, hein. Comme ça, il écrit milliards. Il semblerait que les conditions de travail chez Amazon sont exécrables. J'en sais pas plus. Si moi, vous travaillez à Amazon, bah écoute, on veut bien. Bah écoute, mon poteau, tu vas nous laisser un petit témoignage, tu nous appelles au 6 32 22 et puis tu nous appelles tout simplement. Appel sur taxi. Mais bon, c'est pas de chance car la vie est une chienne. Et forcément, quand la vie est une chienne. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Qu'avez-vous à répondre à ça? Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Non, dans la vie d'une chienne. Non, quand la vie est une chienne. Ah bon? Oui. Il dit pas comment ne pas être un pitbull dans la vie d'une chienne. J'ai pas compris cette phrase. Quand la vie est une chienne. Ah ok. Mais comment ne pas être un pitbull? Ça veut dire que quand la vie est un pitbull, chienne. C'est un chien féroce, ouais. Toi, qui en veut, qui lâche quand pas son morceau de steak. Quand la vie est une chienne, tu vois, la vie c'est une gourgandine, tu vois, elle te maltraite, elle te malmène un petit peu, donc il faut que tu sois ce molosse qui s'accroche à la vie, à ce morceau de viande, tu vois, qui soit agressif. Wow. Donc là, tu sais que t'es sexy quand tu dis ça. Merci beaucoup, je sais que quand je transpire et que je frappe des gens, on me dit souvent que je suis sexy. Enfin, en tout cas, dans les clubs néo-nazis que je fréquente. Que tu as une voix très très excitante. Mais du coup, on s'éloigne de la question, comment ne pas être un pitbull quand ta vie est une chienne? Bah moi, j'essayais d'éloigner le moment où je devais répondre à cette question, parce que bah, je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas? Non. Bah tu manges des croquettes. Bah voilà. Très bien. Non mais moi ce que c'est assez intéressant ce qu'il dit là. Enfin la plume de Booba à l'ancienne était quand même assez non franchement bon, c'est, pardon, vrai. Pardon, c'est vrai pardon, c'est vrai c'est vrai. Aujourd'hui c'est devenu un businessman. Voilà c'est plus un parolier mais à l'ancienne franchement il y avait des. Pardon. Écoutez, Aérobe, ça suffit maintenant là. Ça y est, le mec a fait 3 sons, il se sent plus. Ah, bien sûr. Oh, ça sent tout de suite là, les défendeurs du Booba. Mais des trucs. Ben, non, franchement, de tes quoi? De tes deux quoi? Hein de allez, mais des potes. Oui, bien sûr, c'est ça. Le Libanais. Des potes adorés. Le Libanais, bah tu sais quoi? Tu sais où elle passe notre amitié? Elle est bannie. Sous ton nez. Mais non, oh là là. Pas la même blague, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On n'est plus du tout. Bah si, on passe à la radio là, on est sur la même longueur d'onde. Bon, on s'est posé beaucoup de questions. Je pense que le temps est venu de passer à autre chose. Le temps n'est pas aux cathédrales, il est à Kobalade, car Kobalade se pose énormément de questions. Par exemple, celle-ci. Moi, c'est ce que je te raconte. En vrai, si tu bédons, c'est que t'es con. On est bien d'accord, c'est une question. Oui. Elle est... Bah oui, moi, je l'ai compris comme une question. Effectivement, l'intonation à la fin de la phrase monte, donc c'est une question. On est bien d'accord. C'est une question. C'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, moi, je sais ce que je te raconte. En vrai, si t'es béton, c'est que t'es con. Moi, je sais pas quoi répondre. Bah, ça se moque ouvertement. Ça se moque déjà de Booba, ensuite de Kobalade. Aïe, Roberto. Je vais mourir en enfer. Ouais, déjà que t'as balancé. Déjà que t'as balancé Ronnie et Dany et Dany Glover. Putain, d'ailleurs, big up à vous. Ouais, j'espère que vous en sortez, même si vous comprenez pas le français d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Et que, ils sont tous au Liban? Ouais. Okay, pourquoi ils viendraient ici d'ailleurs? Ils sont en prison en Liban. Effectivement. Pour vol. Pour vol, on le rappelle, vol de copie. Vol de mort. Oh, oh bien joué. T'as mieux. Bien joué. Vol. Bah non, en même temps, il n'y a aucun autre personnage dans vol d'oiseau. Voletarium. Volvic. Oh. Et on a cité une marque, donc Evian. Payez-nous. Nestlé, Cristaline, voilà. Bon, alors, suite à cette première question qui était compliquée, hein, Koba. Il est un petit peu plus dur dans ses paroles, il n'hésite pas à être plus franc, et la question suivante, forcément, celle qui vient, c'est. On a été obligé de charbonner, enculé, les gars du 7 ont bien changé la donne, tu le savais. On a été obligé de charbonner, enculé, les gars du 7 ont bien changé la donne, tu le savais. Est-ce que tu le savais qu'ils ont bien charbonné en cul? Bah écoute, je n'ai pas grandi en bas des blocs, malheureusement pour moi. Pourtant, tu as un taux de street crédibilité. Bah ils ont street crédibilité. Ils ont charbonné. Si tu regardes bien, il y a plein de charbon sur leur chicha. C'est vrai que ouais, ça charbonne. Moi, ça charbonne. Plus les merguez, parce que vous rester... merguez et la sauce, je sais pas c'est quoi comme sauce. Ouais, je sais pas si c'est une sauce d'ailleurs. J'ai pas tellement envie de savoir si c'est une sauce. Non. Enfin, parce que là en fait on est devant le clip, alors forcément on ne comprend pas. C'est à 27 secondes, voilà si vous voulez savoir. Ils font un barbecue en bas des blocs avec un homme qui semble tout à fait charmant puisqu'il cuisine encagoulé. Ouais. Soit c'est un bourreau, très soit. Peut-être les deux. Peut-être c'est les deux. Pour l'odeur. C'est pour ils, sont l'odeur ils sont peut-être cannibales, ouais. En vérité. On ne sait pas. Enfin, ce jeu a été long. On va pas se mentir, c'était assez laborieux. On s'est un petit peu perdu. C'était une première expérience, comme dit, on a voulu tenter un petit concept. On espère que ça a été drôle quand même. C'était pas facile d'essayer de se raccrocher aux branches, de nager dans cette dynamique extrêmement effervescente qui est le rap français. Exactement. Du coup, la dernière question qu'on va se poser, celle de Kobalade, encore une fois. T'as cru qu'on allait se raconter nos vies jusqu'à quand ? Et on ne va pas y répondre puisqu'on va passer tout de suite à un autre sujet, qui est toujours le sujet de la musique, du rap, puisqu'on a Rob parmi nous, donc autant en profiter. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné le sujet du jour, c'était... Discuter de nos rappeurs préférés, c'est ça, tout à fait. En bien et en mal. Voilà, enfin, pas forcément de nos rappeurs préférés, mais en tout cas des personnalités dans le rap qui nous intriguent, qui nous parlent, qui nous fascinent, qui nous inspirent, ce genre de choses. Rob, encore une fois, tu es l'invité, tu es rappeur, je te laisse commencer. Eh ben, moi, j'aime personne dans le rap français. C'est dans le rap français? Non, si, non, je rigole. Ah. Mais par exemple, je sais pas si je veux prendre un rappeur qui vient de France. De France, hein. Oui. Oui, enfin, qui chante en français. Ok. En tout cas. Il est francophone. Bah... La personne susdite est francophone. Du coup, Roberto. Bah, j'ai pas un rappeur français. Mais t'as bien un rappeur français qui te marque. Bah, après, oui, j'aime une ou deux musiques de leur... Deux, genre par exemple, on va dire Romeo Elvis, bon ok, il est pas français. Ok. Mais lui, par exemple, j'aime bien ce qu'il fait comme dans son texte, j'aime bien les clips qu'il fait, ils sont très recherchés. Ouais. J'invite à voir quelques vidéos. Ok. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà montré en plus, les trois. C'est très intéressant ce qu'il fait, il a vraiment un message derrière à passer, et puis sa plume, on va dire, c'est correct. C'est très correct d'ailleurs, il parle de sujets intéressants, d'amour, de beaucoup de Bruxelles, ça d'ailleurs. Bah ça, en fait, j'ai l'impression que, bon, ça n'engage que moi, mais dans le rap belge, il y a quand même cette volonté de revendiquer le rap belge, tu vois, qu'il y a une vraie scission entre le rap français. On parle la même langue, mais on a vraiment un univers, on a vraiment des sphères. Pour bien montrer que voilà, nous, voilà, on parle français, mais on vient pas de c'est France. C'est notre terre-terre, voilà. C'est notre musique, c'est notre choix. J'ai failli donner un coup à mon chat. Tu lui as donné un coup. C'est vrai. Il a regardé en mode... Et elle a regardé, enfin, voyons. Ah là, pardon. Hein, pas bon, on m'a vu qu'elle a une moustache. Ouais, on sait, on sait pas trop. Du coup, Vincent, toi, ton rappeur, un rappeur en ce moment qui t'intrigue, qui te fascine, qui te parle? Moi, je connais un petit peu du Booba, par exemple, qui est mon rappeur préféré. Attends, j'ai une question. Oui. J'ai pas dit les mauvais trucs hein, du rappeur, mais bon, c'est pas grave. Je vais me geler dans un coin. Ça y est, regarde, ça c'est pleurer. Évidemment, le cliché de la minorité qui pleure dès qu'elle n'a pas la parole. C'est ignoble, on va vous renvoyer dans votre. Tu es Alain Finkielkraut en fait. Aussi, on est tous. Eric Zemmour. Les deux. Je suis bah, Eric. C'est une fusion des deux. Ah, ouais, dans Dragon Ball. Bah, ça donne Jean-Marie Le Pen. SSJ4, wow, direct. Oh là là, là, là. Dernier niveau, mon gars. Du coup. Bah ouais, moi je voudrais parler de Booba. Attends, mais j'ai quand même pas continué. Il nous a coupé pour en parler et on l'a quand même coupé. Alors du coup. Non, je veux plus. Bah, je te déteste, Roberto. Allez, vas-y, dis les mauvais côtés de Romeo Elvis. Bah, faudrait peut-être qu'il se mette un peu au sport. Ah, c'est vrai? Ouais, il filme beaucoup trop. Il est trop cuss. C'est pas bien l'image et tout, tu vois, pour les jeunes. Tu fumes et t'es. Ouais. Non, vas-y là, putain, fais du sport là. Oui, c'est vrai, c'est important, honnêtement. Surtout montrer l'exemple, tu vois, genre, même s'il y en a beaucoup qui font pire, lui c'est pas le pire, évidemment. Il fume juste, il y en a un qui. C'est dans un autre délire. Oui, d'accord. Mais peut-être juste ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Arrête trop de parler de fumette et parle de, bah, je sais pas, de motivation, de genre des trucs qui pourraient pousser un peu les gens vers la réussite. Vers le haut. C'est vrai qu'en plus il peut se le permettre parce qu'il fait énormément de morceaux turn-up, énormément de morceaux ambiançants. Donc un ou deux morceaux qui sont un peu motivants ou qui poussent à faire des choses. Enfin, tout simplement utiliser l'espace qu'il a et la notoriété qu'il a pour faire passer des messages. Voilà, ça peut être intéressant. Après, c'est peut-être pas son objectif à lui. Ouais, aussi. C'est peut-être tout simplement tout ce qui l'intéresse, c'est faire de la musique qui fait danser les gens. Après, on n'est pas tous. Nekfeu. Oui, peut-être. Alors, du coup, Booba. Eh bien, Booba, j'aime beaucoup Booba depuis pas si longtemps. Je sais que. En fait, qu'est-ce qui se passe, Quentin ? Moi, j'ai failli vomir avant. J'ai rien. Mais du coup, oui, je sais pas. Il s'est rien passé. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est mon frère qui écoutait ça quand j'étais petit et il écoutait ça dans la voiture et tout. Et j'ai jamais trop. Jamais aimé, en fait. Je détestais ça. C'est vulgaire, nique des mères. Bah, à limite, oui, quasiment. Ouais. Et en fait, c'est il y a quelques années, j'ai commencé à écouter du rap. Bon, je raconte un peu ma vie. Hein. Mais j'ai commencé à écouter du rap en écoutant Orelsan, tout ça, et ça me plaisait beaucoup et tout. Après, je suis parti sur du Nekfeu, et après, je suis parti sur des trucs un peu moins recherchés. Style ? Dans le sens recherché, avec des paroles moins profondes. Voilà, exactement. Ah. T'as vu, il se défile. Il se défile. Bah, tu sais ce que c'est ? Tu es un pull qui a mal vécu. Tu te défiles. Moi et mon tricot, on t'emmerde. Tes fruits, ils sont pourris, mon gars. T'es mal planté, tu penses pas droit. Donc, tu cherchais moi la parole, mais tu cherchais quoi ? Exactement. Bah, je cherchais à m'ambiancer finalement. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et des sonorités telles que Booba marchent très bien. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs, notamment chez Booba, alors, dans ce cas-là ? Bah, en fait, le mix entre la voix et les instrus. Booba a toujours de très bonnes instrus, je trouve. C'est vrai qu'il est fort pour ça. Vous savez, mais tu veux dire le mix entre l'autotune et l'instru ? Oui. Pardon. Oui, entre l'autotune et l'instru. Le petit pic. Je tiens juste à préciser. Non, parce que j'aime bien sa façon de chanter, j'aime bien sa façon de poser. Et je trouve que. Il est fort dans ce qu'il fait, il est très très fort. L'une de celles qui m'a le plus impressionné, c'est Kalash. Ouais. C'est Kalash de Booba et Kaaris. Parce que vraiment, elle, comment dire, je sais pas comment dire, mais elle amène une énergie elle est à faire des choses. Par exemple, quand on l'écoute en faisant du sport. Non, c'est une raw vocal. Quand on l'écoute en faisant du sport, ça motive un maximum. Et c'est ça que j'aime bien chez Booba, en fait, c'est que c'est des sons qu'on met pour l'énergie vraiment, qui dégage, on va voilà, dire, à travers ces sons. Tout simplement, il y a un temps pour tout, en plus. Voilà. Il y a un temps où t'es au sport, tu vas écouter Booba. Il y a un temps où t'es en soirée, tu peux écouter Romeo Elvis. Ce qui est bien avec Booba, c'est qu'il a une carrière si longue qu'il a testé énormément de choses. De styles différents. Ouais, et aujourd'hui encore, je découvre des chansons où je me dis « Waouh, trop classe et tout ». Par exemple, la dernière qui t'a marqué Tila, je l'avais jamais entendu. C'est vrai ? Ouais. Vraiment ? Ouais. Ok. J'avais pas entendu et j'étais passé à côté et j'ai écouté il y a pas longtemps et j'ai. Elle est péchue, hein. J'ai bien aimé. Elle est pas piquée des hannetons, n'est-ce pas ? Et voilà, du coup, je suis vieux, j'ai 80 ans. Plein de styles différents. Si on écoute du Booba à l'ancienne, comme tu le disais, il a une bonne plume, une belle plume. Il a des paroles profondes, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus turn up. Qu'est-ce que tu aimes pas chez Booba ? Ouais. Qu'est-ce que j'aime pas chez Booba ? Enfin, d'ailleurs, juste la transition, même lui, il l'avoue aujourd'hui. Dans Temps mort 2.0, il dit fuck être un lyriciste. Tu vois, c'est, il est là pour faire de l'argent. Et bon, ça peut se comprendre. Voilà. Ça s'entend, mais je veux dire, ça peut se comprendre dans le sens où il a envie de mettre sa famille à l'abri. C'est pour Luna, les sacs Hermès. Exactement. Comme il le dit. Mais ouais, ce que j'aime encore aussi chez Booba, j'allais dire chez Kaaris, oulala. Ah, attention à ne pas les confondre. Oula. Et ce que j'aime bien encore, c'est que il a fait par exemple Petite fille, qui est un morceau, ma foi, magnifique pour sa fille, même si bon, les paroles c'est toujours pas incroyable, mais l'ambiance du morceau est folle. Moi j'ai trouvé ça assez émouvant, honnêtement. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait un morceau un peu comme ça, tu vois, à fleur de... Yes. Bah toujours, hein, on enregistre le soir, on a un chat qui pète des câbles. Exactement. Hein ? Psst. Elle sait que ça... Hein, tu sais que c'est à toi qu'on parle. Bref, effectivement, oui, et ça fait plaisir de voir aussi un Booba à fleur de peau. Oui, et puis il a posé sur de la dubstep. Oui, c'est vrai. Du rock. Dans Adieu mon pays. Non, dans... Partir loin d'ici, là. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Sur du rock dans... Ma couleur ébène. Couleur ébène. Ouais, c'est ça. Mais bon, même si ces morceaux, je les aime quand même bien. Enfin, je les aime pas trop. Mais ce que j'aime moyennement chez Booba, même ce que j'aime pas du tout chez Booba, c'est sa manière de se comporter. Sur les réseaux. En dehors, sur les réseaux et en dehors de la musique. Quoi. Mm-hmm. Parce que on sait bien qu'en musique, il joue un personnage... Enfin, il joue un personnage... Alors que il pourrait montrer le bon exemple dans la vie, et c'est dommage qu'il ne le fasse pas, quoi. Ok. Parce que avec ses nombreux clashs, la bagarre à Orly, la baston à Orly. Ouais, non, c'est vrai. Bah ça rebondit sur ce qu'on disait avant sur Romeo Elvis, c'est-à-dire que t'as une plateforme, t'as de l'espace, t'as de la chance de pouvoir t'exprimer. Quel genre de message veux-tu faire passer, quoi ? Et tu trouves que, en tout cas, c'est dommage que lui. Après, je tiens à souligner que Romeo Elvis est Booba, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Ce que Booba a fait, évidemment, c'est incomparable, on va dire, par rapport à. Genre, au moment où tu balances pas une bouteille de Jack vide à un spectateur qui a payé pour venir te voir, même si t'as énervé. Oui, c'est clair. Ah ouais, ce genre de choses qu'on peut comprendre. Il fait beaucoup d'erreurs. Alors, je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas si ça s'interprète d'ailleurs. Mais de quoi le fait par exemple que tous ces clashs etc, je sais pas si c'est pour pour faire parler de lui si bien c'est... sûr bah tu sais c'est un petit peu comme tout ce qui est Jake Paul, Logan Paul, tout ça aux États-Unis à partir du moment où ça fait parler d'eux, ils vont avoir des vues, ils vont avoir des subs, ils vont avoir forcément de l'argent, tu vois. Et Booba, à mon avis, il utilise un peu la même technique, c'est-à-dire que un buzz est un buzz, un clic est un clic, l'argent c'est de l'argent, tu vois. Et je pense que Booba, dans sa vie, il s'en fout de l'image que les gens ont de lui tant que son business tourne, tant que sa famille est à l'abri, tu vois. Enfin, je pense honnêtement que c'est ça, tu vois. Il va pas être... Enfin, je vois mal Booba pleurer sur son fauteuil pour 20 personnes qui disent « t'es une mauvaise personne », tu vois. À mon avis, c'est un petit peu... Ça passe sous sa tête, tu vois. D'ailleurs, en parlant de questions-réponses, là, je viens de penser à une... Question-réponse de quoi ? Ouais, ce qu'on a fait avant. Ouais. Il y a une phrase, la crime le dit, « Est-ce que le temps, c'est de l'argent ?» Est-ce que le temps, c'est de l'argent ? Bah, bien sûr. On peut rattraper l'oseille, mais peut-on rattraper le temps ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Bah, moi, je pense que... 3 heures, bah, c'est parti. Accrochez-vous, mes petits auditeurs. Vous avez vraiment une chaîne... Un petit loulou. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mes abonnés, salut les amis ! Non, plus sérieusement, c'est une très bonne question, et je pense que c'est une question qu'il faut dire notamment à ceux qui veulent se bouger, et qui ont par exemple 16 ou 20 ans et qui ont peur de se dire putain mais si je fais ça pendant 3 ans et que ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? En vrai, c'est même pas une question qu'il faut se poser, parce que imagine t'as 20 ans, tu donnes 3 ans de ta vie pour un projet, si ça marche pas t'auras quand même vécu un maximum des trucs et t'auras 23 ans sur 80 ans, c'est rien, tu vois. T'as encore largement le temps de trouver un taf, même si c'est alimentaire, etc. T'as largement le temps et les capacités de retomber sur tes pattes, tu vois. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut rattraper le temps ? Je pense que c'est même pas une question. Moi, personnellement, je suis effrayé par le temps. Le temps qui passe, c'est un truc qui me détruit. Je me dis, en fait, parce que chaque seconde qui passe, chaque seconde de plus, en vérité, c'est une seconde de moins. Et c'est vrai que c'est effrayant de se dire, en gros, t'as envie de profiter de tout, t'as envie de tout faire, t'as envie de tout tester. Et c'est pour ça que dans ma vie, je fais de la musique, je fais de la vidéo, j'écris, enfin, j'essaye de faire un maximum de trucs. Et c'est vrai que les journées passent à une vitesse incroyable et on a envie toujours de faire plus. Mais voilà, tout simplement, je pense qu'il faut, lâcher du lest et pas trop se prendre la tête à ce niveau-là. Juste faire les choses et les faire avec sincérité, quoi. Ouais, c'est clair. Pour moi, en ce moment, les semaines passent si vite. C'est vrai ? Ah ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah, je sais pas, le matin, je vais faire du sport, après, je mange, après, je travaille, après, je vous vois ou je fais quelque chose, et après, je regarde un film et je vais me coucher. C'est comme ça. C'est un peu ma routine, est très belle, j'aime beaucoup cette routine. C'est vrai. Bah, est-ce qu'on peut dire qu'on est plus heureux depuis qu'on est nos propres patrons freelance ? Oui, clairement. Oui. Est-ce que la liberté... Alors, peut-on rattraper le temps ? Peut-on rattraper l'argent ? Peu importe, mais la liberté a-t-elle un prix ? Non. Exactement. Si ce n'est celui du risque, il faut prendre des risques si on veut arriver à ses objectifs. Voilà. Et c'est vrai que être son propre patron, avoir une vie d'artiste quand même, c'est pas forcément facile parce que... Parce qu'il faut tout le temps être en recherche de travail. Exactement. Il faut tout le temps... Bon, après, ça c'est aussi la galère de tout chef d'entreprise, auto-entrepreneur, tu vois, il faut networker et tout ça. Mmh. Voilà, mais la vie d'artiste, c'est qu'il faut tout le temps créer et tout le temps... Enfin, essayer au moins d'apporter quelque chose, même si... Bon, putain, podcast... On a fait 25 minutes de déconne. J'ai lancé la question parce que c'est intéressant un peu ouais, grave. De pouvoir gratter un peu là-dedans. On a fait 25 minutes de déconne, on peut se faire un petit quart d'heure motivant, tout ça. Et c'est vrai, finalement, la vie d'artiste, c'est un peu une vie de bohème, c'est-à-dire que c'est une vie un peu incertaine où on vogue d'une chose à l'autre. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit shout-out, un petit big-up à Monsieur Aznavour qui nous a quittés récemment et qui était une légende de la musique française à titre de beaucoup d'autres, hein, comme Johnny Hallyday. Personnellement, je ne l'écoutais pas, mais il faut quand même avouer que c'était une légende, monstre de la musique française. Donc voilà. Shout-out à toutes ces personnes qui ont marqué leur art. Qu'est-ce que tu entends par shout-out ? Et l'histoire. Shout-out, c'est en fait, ça veut dire, en anglais, ça veut dire. Ouais, c'est ça, c'est crier fort, tu vois, en français. Okay. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, rien. Ah, ouais, bah, je m'en fous, je réentendrai. Bah, arrête le podcast et écoutons ce qu'il disait. Non, non, je vais l'écouter et porter plainte, ça sera beaucoup plus. Ok, voilà. Donc, toi, est-ce qu'on peut rattraper le temps? On va finir sur ça, on passera après à mon artiste. Est-ce qu'on peut rattraper le temps? À ton avis, ouais. Bah, brièvement. Et toi aussi, Rob, d'ailleurs, t'as pas répondu à la question. Bah, non, on peut pas rattraper le temps. On peut pas rattraper le temps. Non. Là, j'ai souvent vu cette sorte de graphique un peu humoristique sur les réseaux qui disait que quand on est jeune, on a de l'énergie et du temps, ah oui, mais pas d'argent. Quand on vieillit, on a l'argent, mais pas le temps. Et l'énergie. Non, si, on a l'argent et le temps, mais pas l'énergie. Ça, c'est qu'on, ouais, est vieux. Et quand on est adulte, jeune, c'est qu'on a l'argent. Temps, l'argent et l'énergie, mais on n'a pas le temps. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, moi je suis pas d'accord avec ça, vraiment. J'ai toujours trouvé ce graphique stupide. Parce que, en fait, tout est une question de volonté, en fait. C'est ça. C'est quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu veux faire. Alors, il y a plein de gens qui sont occupés, qui ont des journées remplies, mais qui sont occupés à rien faire, en fait. Genre, tu peux être très occupé et ne rien faire de tes journées. Ouais, c'est clair, ça m'arrive souvent. Tu vois, il y a une vraie différence entre être occupé et être productif. Ça, c'est un truc qu'on. Une scission qu'on fait pas assez souvent. Sur qui disent qu'il n'y a pas assez de temps, genre, tu vois. C'est pas pendant 10 ans que tu vas travailler sans un seul jour de repos. Bien sûr, c'est clair. Ouais, quand même. Après, il y a des gens qui s'appelaient ça. Il y a des gens qui sont sur le grind tout le temps, tu vois, qui sont en rush. Ouais, ils ont besoin de ça, tu vois, d'être tout le temps dans l'action, etc. Mais ils ont quand même des vacances. Oui, moment, bien sûr, bien sûr. Bah, ne serait-ce que pour profiter de sa famille, ouais, ou de ses amis, il faut savoir réserver du temps pour sa vie personnelle. Oui. Rob, est-ce qu'on va finir toi, de ton côté? Non, on peut pas attraper le temps. Parce que le temps, il passe et les mémoires, est-ce qu'on vit aussi, passe avec. Donc, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder vers l'avant. Tout le temps. Ce qu'on va créer, pas ce qu'on a créé aussi, bien sûr, mais ce qu'on va faire prochainement. De toute façon, ce qui est fait est fait. Ça ne, ouais. Rien ne peut être changé, ouais, par rapport au passé. Mais ce qu'on va faire n'est pas encore fait. Donc, exactement. S'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qu'on a raté, peu importe, il faut se contenter d'aller vers l'avant. Peut-être que d'ici 5 ans, ça ira mieux. Peut-être que, je sais pas, voilà, et il faut tout simplement, comme tu le dis, ne pas regarder vers l'arrière. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait par rapport à la nostalgie en off avec Vincent l'autre jour, mais c'est un petit sentiment doux amer. C'est-à-dire que la nostalgie, on a ce truc, tu sais, une sorte de pression sur le cœur de repenser à tous ces bons moments. On se dit, ah, c'était bien quand même, tu vois. Et en même temps, tu sais que c'est fini, mais... Bon, ça dépend pourquoi. Oui, c'est vrai. Si c'est des trucs qui durent dans le temps, par exemple, fais moi, attention. Je suis un fan inconditionnel de Spider-Man. Ouais. Là, quand j'ai joué au dernier jeu, j'ai adoré, j'ai surkiffé parce que j'étais nostalgique de mon enfance. Mmh. Mais il y a aussi d'autres nostalgies par rapport à ce qu'on a vécu au lycée ou à l'université, etc., qui ne se reproduiront jamais. Et juste passer dans ces endroits, ça fait bizarre. Et c'est clair. Parfois, passer dans un endroit, ça te met une claque, mais ouais, c'est hallucinant, c'est incroyable. Abusé. Alors que même parfois, tu y as passé juste une heure, tu vois. Mais l'heure que tu y as passée, elle était tellement intense, elle s'est tellement ancrée dans ta mémoire que ça fait revenir des souvenirs, ouais. C'est hallucinant à la surface. Des souvenirs, des sentiments, etc. Je me rappelle quand on est allé chercher notre diplôme. Attends, mais tu pleures là, Vincent? Non. On fait un câlin à trois et après on leur explique. Exactement. C'est un câlin audio, voilà, on fait un câlin. Yes. Donc je disais, je me rappelle quand on est allé chercher notre diplôme avec Quentin au DUT, enfin à l'IUT, pardon. C'était quand même 2 ans après l'IUT. Ouais, 2 ans. J'ai un an quand même. Hein. Non, 2 ans. Moi, j'ai souvenir que c'était après Paris. Pas donc 2 ans. Non, ah non. Non, mais non, c'était avant. C'était, non. C'était, attends. On est quand même allé au moins 1 an après. Ouais, je sais plus. Enfin bon, bref, ça intéresse pas les gens, mais... Et ouais, bah ça faisait bizarre de revenir à l'IUT, quoi. C'est de clair. Revoir les profs, de revoir les salles de classe et tout. Ça faisait, c'est ça clair, faisait... c'est clair. Ouais. Et ouais, bah, c'est toujours très spécial. Mais bon, comme disait Rob, concentrons-nous sur l'avenir, concentrons-nous sur ce qu'on peut faire au lieu de ce qui a déjà été fait et ce qu'on ne peut rien changer. Personnellement, par rapport à toutes ces personnalités qui sont intrigantes, qui sont passionnantes, qui soulèvent les passions, il y en a une qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut essayer de deviner avec Rob? Ok, avec grand plaisir, à votre avis. Ok, moi je dirais Drake. Non, j'aurais pu... Français. J'aurais... Hein? C'est que français? rappeur. Ah, uniquement français? Bah, c'est ce qu'on je dit. Sais pas. Ah, on avait dit ça. Sinon, j'aurais dit un autre, parce que moi, français, ouais. ça ne me chauffe pas vraiment. Ah, ouf, hein. Ah, mince, bah, j'ai en français. Tout mon respect. Hein, bah, sinon, vu que tu l'as avec un rappeur américain. Ouais, j'ai de nouveau. Pourquoi il est rappeur américain, forcément? Bon, Rob, il fait un contre-podcast tout seul, il est devant le micro. Ça suffit maintenant, les minorités, ça suffit. Est-ce que c'est Eminem? Non. Mais non, on est en train de... Quoi, on est... Non, là il est international. Mais bon, oui, du coup, il est américain. Est-ce que c'est Kanye? Non, c'est pas Kanye. Oh, merde. Kenny. Ah, putain, alors je sais pas. Toi, si, Lil Pump? Ah, ça aurait pu, effectivement. C'est fascinant. Ouais, mais Lil Pump, il est encore trop jeune. Exactement, c'est 6ix9ine. Putain, il a dit un an, j'en ai dit 5. Aussi cool. Aussi cool. Mais parce qu'on en a parlé, en fait, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Et okay. quand t'étais pas avec nous, parce qu'on t'est pas. Non, effectivement, 6ix9ine Tekashi, que je trouvais extrêmement intéressant. J'aime pas toutes les musiques qu'il fait, notamment les premières, j'aime pas du tout. Vraiment, je déteste ça, tu vois. Mais en tout cas, tu l'imites bien. Ouais, bah c'est pas très compliqué en tout cas. Il suffit juste de crier et de finir par. Exactement, voilà, exactement. En fait, faut cracher à chaque fois, à chaque fin de phrase. Non mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant parce que lors de ses interviews, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très très loin d'être stupide. Alors bien sûr, c'est toujours devant des caméras, donc on sait pas si c'est son manager qui lui a dit ça ou j'en sais rien, mais partons du principe que c'est sa mentalité à lui, sa personnalité à lui. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, tu vois, il avoue directement que ce qu'il écrit c'est de la merde et tout, qu'il fait de l'argent. Et ça l'empêche pas, en plus c'est toi qui m'avais montré cette vidéo il y a pas si longtemps, Rob, ouais. Où il disait, enfin quelqu'un lui demandait pourquoi why 6ix9ine, pourquoi un 6 et un 9, et il disait bah, en fait tout simplement que c'est une question de perception, c'est-à-dire que dans son sens le 6 est un 6, mais dans ton sens à toi le 6 devient un 9, et que du coup en fait il faut se mettre à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre pour comprendre bah, la douleur qu'il peut avoir au pied. Ah donc c'est pas par rapport au 69 le sexe. A priori non. Tu vois, j'en sais rien, ça se... comme c'est quelqu'un qui est habitué à troller, si ça se trouve, il était absolument pas sérieux, c'est un autre, décidément, Roberto, il ponctue toutes mes phrases. Je suis malade. Oui, bien sûr, c'est ça, vous avez toujours des excuses, monsieur. Non, il est raciste des chats, voilà, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est vrai, mais non, attends, c'est quoi le rapport? Je tousse. J'ai ah merde, t'as toussé? Je croyais que t'avais éternué. Et attends, on va vraiment faire un podcast sur ça ou Non mais voilà, effectivement. Est-ce que ça vous arrive aussi d'entendre vos amis bah, tu tousser? Tu ne seras plus jamais invité. Dire à tes souhaits. Tu es viré de ton propre podcast. Il y a quelqu'un podcast. Qui vient, Guillaume. Ça se dit pas. Ça y est, bah, il se rebat. Dans chaque podcast, il se lève, il s'en va. Non, il va se moucher, je rigole. Voilà, donc en tout cas, pour tes cachets, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je me demande comment tout ça va finir, parce que bon, il cherche quand même le bif. Il cherche les embrouilles avec pas mal de monde, parce que voilà, c'est ce qu'on disait aussi, un buzz est un buzz, et ça fait de l'argent notamment, et parfois ils le prennent bien, comme par exemple 50 Cent qui est carrément rentré dans le jeu et tout, ils ont fait un peu d'humour ensemble, et d'autres le prennent moins bien, comme Chief Keef qui voulait le tuer directement. Tout simplement. Donc voilà. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Mais moi, je pense au nombre de vidéos hallucinantes sur Tekashi. Par exemple, quand il sort d'un jacuzzi avec un AK-47 et qu'il court dans la rue à poil et tout, c'était complètement dingue. La danse qu'il fait dans son dernier hit, là, Stupid et tout. Enfin, il a un uni. Rien que forcément ses tatouages et sa chevelure, c'est. Il a son univers à lui et c'est très intéressant. Je veux dire, ce qu'il fait. En plus, il sait qu'il faut se diversifier. Pour toucher plus de monde, et c'est ce qu'il veut dans tous ses sons. Il sort des sons calmes, il sort des sons où il gueule, il sort des sons un peu genre, comment dire? Chill. Là, un peu à l'espagnol, un peu genre. Un peu caribéen, dancehall, ouais, tout ça. Ouais, un peu comme ça. Et puis ça marche. Chaque fois qu'il sort quelque chose, ça marche. Ça fait toujours parler. Quand il a fait Gotti, là, et qu'il y a des femmes somme toutefois magnifiques avec des formes généreuses et qu'on se rend compte qu'elles ont le visage de Tekashi, ça a de quoi forcément refroidir directement. Mais voilà, c'est pour moi c'est une personnalité que je trouve extrêmement intéressante, fascinante même, parce que son évolution depuis le début, c'est-à-dire que voilà, les Crips, les Bloods, la musique qu'il faisait au début, maintenant les feats qu'il a fait, les feats qu'il va faire, le fait qu'il soit absolument partout, qu'il sorte un son quasiment chaque semaine et tout, c'est intéressant vraiment de voir cette dimension d'artiste extrêmement cette bizarre. Dimension cette dimension Oui, parce qu'il est divergent dans ce qu'il fait. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup, toujours là pour sauver le frérot. Voilà, mais cette dimension artistique qui est plus seulement musicale, mais qui est carrément de l'entertainment, c'est du divertissement, tu vois. C'est comme on appelle les infos qui sont un petit peu divertissantes de l'infotainment. Là, ça pourrait être, je sais pas, ça peut être, je sais pas, de l'artainment, tu vois, j'en sais rien. C'est peut-être un néologisme à créer. Très intéressant, en tout cas, Tekashi, voilà. Il n'a pas le nom d'un gars dans Naruto ou quelque chose? Tout simplement parce que ça se finit par Shi, Mais non, ça. Arrête de voir le racisme. Mais vous êtes tous racistes. Vous êtes tous racistes ici. Bah, même ton chat. Même le chat. Même le chat, tu le touches. Tu es la pire raciste. Miaou. Yes, non, c'était Roberto. Je sais que l'illusion était parfaite, mais c'était Roberto. Non, c'est pas moi. Je plaide non coupable. Enfin bref, voilà, si quelqu'un a un autre mot à dire sur un artiste intéressant... Ben, on va écouter... On va se faire striker. Ah d'accord. Ah oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer. À liker, commenter, abonnez-vous. Abonnez-vous. On va bientôt faire une FAQ. On va ouvrir vos snaps. On va faire des dégustations. Oui, mais c'est bien qu'ils commentent et puis oui, qu'ils nous envoient des messages. Et puis nous, par la suite. On peut enrichir le podcast, etc. Sur Twitter. Faudrait qu'on fasse un petit Twitter pour la bonne franquette. Honnêtement, la bonne franquette. Alors moi. Mon ambition avec La Bonne Franquette, quand je t'ai proposé le projet, quand on a commencé à le faire, c'était que c'était une discussion entre potes et qu'on voulait faire partager ce bon moment. Mais effectivement, ça pourrait devenir quelque chose, pourquoi pas, de plus poussé. Exactement, de plus social. Ça peut être une bonne franquette où on rigole, comme on l'a fait dans le dernier podcast. Une bonne franquette... Là on n'a pas rigolé, là. Parce que tu dis dans le dernier podcast. Donc là, on n'a pas rigolé pour toi, là. Moi, j'ai là, c'est pas assez, ça y est, troisième épisode, le standing n'est pas... Moi, j'ai pari une seule seconde à vos blagues. Bah, c'est normal, tu es un pince sans rire. Bah, écoute, cette expression est nulle. Un pain perdu. Voilà, tu es un pain perdu, tu sais pourquoi? Parce que... Tu es sec comme du pain rassis. Ouais, d'accord. Et tu n'as jamais trouvé ta route. Exactement, tu n'es pas sur la route de l'amitié, mon pote. T'es sur aucune route, si ce n'est celle de la défaite. Alors, prends ton gamos et va rouler sur la route de la défaite. Eh ben, je m'en vais. Vraiment, non, mais reste avec nous. Ah, reste. Bah, voilà. du coup, voilà, n'hésitez pas à nous DM, à slider, à glisser dans nos DM directement. On peut même nous proposer des sujets. Hein. Avec grand plaisir. Je vais en proposer dans des stories comme ça à l'avenir. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux, vous pouvez commenter. Ah ouais, sur un petit sondage par story, ça peut être cool. Donc voilà. Rob, un petit mot de la fin. Toujours Aerob Official, A-R-O-B. Bon, je vais le refaire parce que, évidemment, hein, voilà. On a toujours. Vincent, toujours pour foirer. Moi, je pète de ouf. Je foire. Il m'a regardé, il avait tellement de... Il était fier, il était... Mais tellement de sa blague. Écoutez, je suis extrêmement fatigué, d'accord. Ça se voit. Alors, c'est pas du tout visuel, mais effectivement, il semble fatigué, cet homme a besoin de dormir. Bref, Rob, A-R-O-B, oui. O-F-F-I-C-I-A-L, sur les réseaux, notamment Instagram. Le petit mot de la fin. Tu rappes, notamment, je le rappelle. À quelle heure ouvre le McDo demain? J'en sais rien, je crois que c'est 8h les McDo, 9h, j'en sais rien. Voilà, c'est mon dernier mot. Ok, très bien. Donc c'est carrément un placement produit, ton super, nickel. Bah, toi, moi j'ai un nouveau sponsor. C'est quoi le seum? C'est Dragon Ball Z. Je dis pas ça parce que je l'ai lu. Sur une tasse qui est à 30 cm de comme toi. Comme dans le film Dictateur. Ah oui. Quand il demande son prénom. Ah oui. Mais tu sais à quoi c'est une référence, ça? À Usual Suspect. Ah bon? Attends, mais oui. Tous les noms qu'il invente. Quand il fait burger. Tu l'as vu, Usual Suspect? Non. Ah putain, je peux pas le dire. Mais bon, bref. Mais si vous avez vu Usual Suspect, vous voyez de quoi je parle. Mais non, mais il dit maximum des personnes autorisées, machin. Toilette pour. Comment il s'appelle? Il fait toilette pour femmes. Ah oui, toilette pour femmes. Il fait Addison Burgers. Mais il y a aussi ça à la fin du premier Scaramouille, okay. Ce genre de choses. Bon, bref. Ouais. J'ai pas envie de spoiler parce que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Oui, allez voir Usual Suspect, c'est vraiment très bien. Ah, je le vois. Mais faites attention au film, tu vois. Faites pas comme ça. Faites attention au film. Pour pas qu'il tombe. Tu vois, hein, mon frérot, toi qui écoutes le podcast au creux de ton oreille. Du coup, moi, mon mot de la fin, ça sera toujours Bah, portez-vous bien, c'est toujours, toujours le plus important. Ici, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur, c'est que de la bonne humeur. And make the difference. Exactement. Le and make difference. And, non, mais c'est pris par si. Oh là là, toujours en train de foirer, c'est incroyable. Bah, putain, je pète. Vraiment, tu mets les gaz ce soir sur ce genre de base. Tu me lances un beat, on fait la fin. Ok, c'est parti. Non, attends, c'est le rise, ça, il n'y a pas encore de beat. Ok, bah vas-y. Yeah, c'était la radio. Même si c'est pas la radio, on était là, c'était bien. On a parlé de plein de choses et après on est parti. Depuis Tarzan, maintenant on attaque. Waouh, ouais. On est des enfants. On est des gros gamins, prenez soin de nous. Et à la prochaine. À la prochaine. Peace. Ciao.